Chapitre 3e. Dans le même temps, Charles de X faisait des merveilles en Afrique. Plusieurs fois, il s'était fait inscrire, par son courage, à l'ordre du jour de l'armée. Brave parmi les braves, il s'était fait, en plusieurs occasions, remarquer par ses chefs, par sa rare intrépidité, autant que par la rapide précision qu'il apportait à tous les mouvements militaires qui lui étaient transmis. Combattant à l'arrière-garde lors de la malheureuse expédition de Constantine, il avait disputé pied à pied le terrain que les soldats de la France s'étaient vus forcés de céder aux efforts des ennemis. C'est dans une de ces fatales journées que, trois fois blessé, il avait eu la force de tuer de sa propre main un cavalier arabe et le bonheur de lui enlever l'étendard qui flottait au bout de sa lance. Cette action et ses blessures lui valurent le grade de capitaine et 3 mois de congé pour aller se reposer au sein de sa famille. Charles revit la France avec bonheur. Ce fut à Marseille qu'il retrouva pour la première fois depuis son départ le soleil de la patrie. Moins brûlant que celui de l'Afrique, il n'en était pas moins beau, moins radieux. Ne sachant comment dépenser les quelques heures qu'il devait rester encore dans la cité des Phocéens, il se dirigea du côté des bureaux de la poste pour s'informer si des lettres ne lui avaient pas été adressées à son passage. Il en trouva plusieurs. Une de sa bonne vieille mère qu'il pressa sur sa poitrine et sur ses lèvres pour la lire avec son cœur avant de la déchiffrer avec ses yeux. Sa vieille mère l'attendait avec impatience, comptant avec son âme toutes les minutes des heures qu'il devait lui ramener son fils bien-aimé. Parmi les autres lettres, il y en avait une timbrée de grès. Il l'ouvrit machinalement, sans autre sentiment que celui de la curiosité, car l'écriture de l'inscription lui était inconnue. Cependant, c'était celle d'un de ses amis employé dans une administration de cette ville. La dernière partie de cette lettre réveilla dans son cœur d'agréables souvenirs. Elle était toute consacrée à Louise. « Ton petit chaperon blanc est plus pâle que jamais, » lui mandait son ami. « Sa vertu seule égale toujours son excessive beauté. Combien dommages elle a repoussé depuis les tiens, mon cher hussard. Elle vit tout en Dieu et en ses petites sœurs qui ont grandi beaucoup et qui promettent d'être belles et sages comme elle. Un riche parti s'est présenté dernièrement et Louise l'a refusé malgré tous ses avantages. Cependant, le comte de Z ne désespère pas de la conduire à l'hôtel de l'Hyménée car il l'aime avec passion. Tu le vois, très cher, notre époque n'est pas si égoïste que des esprits chagrins et des journalistes pessimistes veulent bien le dire. Comme autrefois, on voit presque des rois épouser des bergères. Je doute cependant que ton petit chaperon blanc réponde à l'amour du noble comte. Ce n'est pas dans nos parages qu'il trouvera la tige sur laquelle il doit greffer l'espérance de sa future et noble lignée. Quoi qu'il en soit, Louise ne serait point digne de lui, car je ne sache pas de meilleure noblesse pour une femme que celle de la sagesse et de la beauté. » Ainsi que nous l'avons dit, ces quelques lignes réveillèrent dans la pensée du brillant officier d'Afrique le souvenir d'amour qu'il avait pu croire éteint, mais qui n'était qu'endormi. Comme la route de Grès était celle qu'il devait prendre pour se rendre au château de sa mère, il n'hésita pas un instant à répondre à la voix de son cœur, qui lui demandait s'il ne consacrerait pas quelques heures de ses affections de garnison. « Je resterai tout un jour à Grès, » dit-il. « Dieu me pardonnera sans doute ce retard apporté au baiser de ma mère, puisque je ne dois m'arrêter que pour adorer un de ses plus doux anges. » Le soir même, il partit pour Avignon. Il n'y resta que le temps nécessaire pour dîner et pour rendre une visite au tombeau de la belle Laure de Pétrarque. Puis, rapidement, il reprit sa course, traversant à voile d'oiseau, pour ainsi dire, les belles et nombreuses villes qui bordent les rives du Rhône, ce beau fleuve de la France. Oh, comme son cœur battit lorsqu'il revit les belles montagnes de la Franche-Comté, lorsqu'il aperçut au loin le clocher de l'église où le petit chaperon allait prier, et où, pour la première fois, il la rencontra, belle et jolie comme une vierge antique, à genoux devant l'autel de la Sainte Vierge, sa poétique protectrice. L'amour de Louise lui revint au cœur plus ardent peut-être que le jour où, les yeux pleins de larmes, il l'avait quittée pour aller chercher la gloire sur une terre devenue française. « Elle ne me repoussera plus, » pensait-il en regardant sa poitrine décorée par l'étoile de l'honneur. « Je lui rapporte la croix des braves. Je lui dirai que je l'ai gagnée en pensant à elle, que sa pensée m'a guidée au combat et m'a porté bonheur. Je lui dirai que j'ai versé bien du sang pour ma patrie, bien qu'il m'en reste encore assez pour l'aimer et la rendre heureuse. Je lui dirai que je serai le père de ses petites sœurs si, selon mes vœux, elle me donne une part dans sa vie, et si, comme autrefois, elle refuse mes hommages comme je suis sûr qu'elle les acceptera comme épouse. » Ainsi pensait, disait Charles de X, en entrant dans la ville de Grès. C'était presque le soir. On sonnait le glas des agonisants au clocher de l'hôpital. Charles courut aussitôt à la maison du petit chaperon blanc. La porte en était fermée, et quand elle s'ouvrit à ses cris, à ses prières, une vieille femme lui répondit en pleurant au nom de Louise. « Écoutez, écoutez, voilà sans doute son dernier soupir que redit la cloche de l'hospice. » Éperdu, hors de lui, désespéré, les vêtements poudreux, en désordre, Charles se précipite de nouveau dans la rue. Il se dirige en courant vers l'hôpital. « mon Dieu » s'écrie-t-il, « faites que ce ne soit pas trop tard. Et prenez 2 années de ma vie pour conserver la sienne, 1 heure encore, mon Dieu !» Bientôt il se trouve dans ces longues galeries où la mort veille incessamment au chevet des douleurs humaines. « Où est Louise ?» demande Charles. « Où est-elle ? Je veux la voir. Morte ou vivante, il faut que je la voie. Où est Louise ? Répondez-moi donc !» Les sœurs de charité s'écartent à son passage, car dans son délire, il leur a fait peur. Tout à coup, il aperçoit un prêtre en prière auprès d'un mourant. Il s'élance vers lui. Le petit chaperon blanc, plus pâle que la robe blanche qui lui avait donné son nom, Louise achevait sa confession pleine de foi, d'amour et d'innocence. Les mains jointes, les yeux fixés amoureusement sur un crucifix, on l'aurait prise vraiment pour une de ces statues qui dorment éternellement sur la pierre des tombeaux. Le prêtre, posant ses 2 mains sur ses beaux cheveux blonds, la bénit au nom du Christ. Au nom du Christ, il lui a donné l'espérance qu'on doit aux mourants, celle du ciel. Mais à ce nom, Louise a répondu par un nom plus humain. Elle l'a prononcé avec une expression que ne doivent point voir les voix des anges qui prient. C'est le nom de Charles qu'elle invoque à son heure dernière et qu'elle mêle à celui de Dieu. « Elle m'aimait !» s'écria Charles en se précipitant à genoux devant son lit. « Vous m'aimiez, Louise ! Et loin de vous, malheureux insensé, je cherchais dans la gloire le bonheur que l'amour de Louise pouvait seul me donner. Pardonnez-moi, Louise, et ne mourrez pas. Pardonnez-moi, je suis Charles, je reviens à vous, ne mourrez pas. Vous ne devez pas mourir, car je vous aime toujours. » Disant ainsi, Charles pressait sur ses lèvres la main déjà glacée de sa bien-aimée. Il cherchait à les réchauffer sous la chaude haleine de ses baisers. Mais Louise n'entendait plus. Elle ne voyait plus rien autour d'elle. Ses beaux yeux s'étaient fermés. On fut obligé d'entraîner de force le malheureux officier qui voulait suivre à la tombe celle qu'il avait perdue. Les heures qui suivirent cette scène douloureuse furent terribles pour l'infortuné Charles. Il délira toute la nuit, se croyant tour à tour sous les murs de Constantine et devant le lit blanc de l'hôpital, où, pour tout amour, il avait retrouvé une agonie plus un cadavre. Ce fut le cœur brisé qu'il partit le lendemain matin avant le jour et qu'il embrassa le soir sa bonne vieille mère. Il y avait 8 jours de cela, triste et désespéré, Charles avait refusé toutes les consolations qu'on avait cherché à lui donner, ou plutôt, il n'y en avait aucune de possible pour sa douleur, car la perte qu'il avait faite était irréparable. Il aimait à s'égarer sous les vastes ombrages du château de X, pour se retrouver seul avec ses regrets et ses souvenirs, car il n'avait plus au cœur qu'une pensée fixe, celle de Louise. Il y avait, disions-nous, 8 jours de cela, quand un soir, rentrant au château, il trouva dans le salon un vieux prêtre assis près de sa mère, tous deux rayonnant de joie et de bonheur. Charles ne le reconnut pas. « Soyez le bienvenu, mon capitaine, » lui dit le vénérable ecclésiastique. « Nous parlions de vous. Et madame votre mère me promettait de faire tous ses efforts pour vous décider à accepter un parti digne de vous. » Charles ne répondit pas, mais un regard interrogeant les yeux de sa mère semblait dire « Est-ce vrai, ma mère ?»« C'est vrai, mon enfant, rien n'est plus vrai, » dit-elle, en le pressant sur son sein. « Réjouis-toi, car le bonheur est encore possible. » « Il n'en est plus pour moi sur la terre, » répliqua le jeune officier, « car il y aura dans quelques heures, 8 jours, que Dieu m'a ravi pour le ciel, celui qui m'était destiné. » « Admirez mes suprêmes miséricordes, jeune homme, » répliqua le prêtre, « car ce Dieu bon qui ne nous abandonne jamais a pour nous des desseins divers. S'il vous avait pris celle que vous aimiez, cela eût été pour vous la rendre, car c'est Louise qui m'envoie aujourd'hui vers vous. « Louise ? » s'écria Charles. « Mon Dieu ! Les morts reviennent donc parfois. Louise elle-même, qui serait morte, si l'émotion, le bonheur de revoir celui qu'elle aimait, n'avait déterminé une crise heureuse. Cette crise l'a sauvée contre tout espoir. Elle est aujourd'hui en pleine convalescence. La joie de Charles fut terrible, ainsi que sa douleur l'avait été. Il assure aujourd'hui que le bonheur n'a jamais tué personne. 2 mois après, Il y eut grande fête au château de Charles de X. Toute la noblesse et la bourgeoisie du voisinage assistèrent au mariage de Louise avec le brillant capitaine de Hussards. On dansa toute la nuit sous des bosquets en fleurs, éclairés à giorno par mille verres de couleurs. Le petit chaperon blanc, encore plus joli peut-être qu'autrefois, est aujourd'hui l'heureuse femme d'un officier supérieur qui préfère Louise à toutes les richesses, à tous les honneurs de la terre. Il ne donnerait pas, dit-il, le plus petit sourire de sa femme pour tous les trésors connus et ignorés du nouveau monde. Avis aux demoiselles à marier. La plus belle dot qu'une jeune fille puisse apporter à son mari, c'est la vertu. Ainsi s'achève Le petit chaperon blanc par Alphonse Balladier.